Émigration, Al-Hijra. Al-Hijra désigne l'émigration du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et de ses compagnons de la Mecque à Médine. Au cours du pèlerinage annuel, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, délivra un sermon à Mina et gagna son auditoire. Parmi eux, un petit groupe de Médinois fut attiré et embrassa l'islam. L'année suivante, ils firent allégeance au messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ce serment fut connu comme le premier pacte d'Al-Aqaba. Puis, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, envoya Mus'ab ibn Umayr, qu'Allah l'agrée, à Médine, afin d'enseigner aux habitants de la cité les principes de la nouvelle foi qui s'étendit très rapidement. Quand la saison du pèlerinage revint, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se trouva entouré par un groupe enthousiaste de 72 partisans médinois. Dans un défilé secret, ils prêtèrent de nouveaux serments, connus comme le second pacte d'Al-Aqaba. Là, ils promirent de recevoir et de défendre le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui et la nouvelle foi, fût-ce au prix de leur vie. Sous l'ordre du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les musulmans émigrèrent secrètement, par petits groupes, en direction de Médine, quittant leur maison et laissant derrière eux leurs propriétés pour la cause d'Allah. Finalement, le prophète reçut l'ordre d'immigrer. Accompagné d'Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, il se cacha durant 3 jours dans une grotte du mont Thawr, proche de la Mecque, avant de se lancer vers Médine. Lorsqu'ils atteignirent la cité, les gens, dans une explosion de joie, proclamèrent la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, et se précipitèrent pour les accueillir. À Médine, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, construisit la mosquée et instaura des liens de fraternité entre les Ansar et les Muhajiroun. Il fut décidé par Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, que l'année de la Hijra du prophète, l'émigration, soit la première année du nouveau calendrier islamique.